commandant, je... Monsieur Wandi Ernest, dans vos déclarations, vous avez abondamment mis en cause Monseigneur Dogmo. Vous avez donné des détails sur les contacts que vous n'avez cessé d'avoir avec lui depuis que vous êtes revenu sur Mati. Vous avez dit tout l'appui, le concours, l'organisation matérielle et morale à laquelle il participait depuis que vous êtes sur Mati. Vous avez surtout précisé que c'est lui qui vous avait invité sur la demande de certains amis, certains panneaux de lutte de l'extérieur, camarades de l'extérieur, à venir dans le Mungo jusqu'au sud pour un départ, et finalement il vous a abandonné. Voulez-vous très succinctement confirmer ce que vous avez déjà dit? Voilà. Parler de soutien et d'appui depuis que je suis au Mati de la part de Monseigneur Ndormo, ce serait vraiment l'accabler. J'ai dit, lorsque je suis entré dans vos locaux, que j'ai eu des contacts avec, d'abord avec M. Labbé Ndormo en 1962, par la suite avec M. Ndormo, déjà devenu évêque, en deux fois en 1966 et une fois et deux fois en 1970. Voilà ce que je vous ai dit. Bon, maintenant, lorsque il est vrai que cette année, je me suis déplacé de mon PC que sur invitation express de Monseigneur Ndormo, qui disait avoir urgemment besoin de moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a dit, il m'a fait état de la possibilité de m'aider à rencontrer mes copains à l'extérieur. Vous avez dit également que Monseigneur Dogmo gérait une partie de son fils. Et tout récemment, nous savons qu'il vous a fait porter 100 000 francs. Il a dit lui-même que ces 100 000 francs provenaient d'un montant de 100 000. Oui. Certaines fortunes, Raphaël avait été cherché à Kumba. Et nous savons aussi, vous l'avez reconnu, que cet argent provenait de l'assassinat des gars dans le Mungo en 1965. Voulez-vous confirmer ce point? Pardon, je répète, M. Wandi. Oui. Vous avez dit que Ndormo est une partie de vos fonds. Oui. Et nous, vous l'avez dit vous-même. Tout récemment, il vous a fait porter 100 000 francs. Oui. Et ces 100 000 francs étaient le résultat d'une somme de 700 000 francs qui provenait d'une attaque chez des planteurs européens dans le Mungo il y a quelques années. Monseigneur Ndormo lui dit que ça provenait à sa connaissance de Kumba parce qu'il s'est donné davantage. Voulez-vous préciser ce point de gestion? Il est évident que cet argent, les 100 000 francs qui m'a fait parvenir tout dernièrement, provenaient justement de ces 700 000 francs. C'est vrai que nous avons déposé chez nous une somme de 700 000 francs pour faciliter simplement nos commissions. Voulez-vous préciser, comme vous l'avez déjà dit, que vous saviez, vous, en tant que commandant en chef de l'ANK, que cet argent provenait de la taxe des planteurs européens dans le Mungo? Enfin, je sais que cet argent m'avait été envoyé par les officiers de notre armée. C'est-à-dire pas ce que nous appelons les rebelles, les criminels, quoi. Tout m'a dit, les beaux types. Hein? Vous n'allez pas me prêter votre langage. Monsieur Wandier, vous avez assisté tout à l'heure à une confrontation entre Monseigneur Ndormo, Wambo Le Kouan, dit Tadeu Gabriel, alias Père, Monsieur Takala Celestin. Nous avons parlé de cette affaire de complot de 38 qui avait été remis.